Alors, on va changer radicalement de sujet. On va plus parler de musique, quoique peut-être. Mais très souvent, quand on parle avec des artistes, qu'ils soient musiciens, artistes plasticiens, écrivains divers et variés, la question de l'environnement, de la ville dans laquelle on évolue, on habite, revient souvent sur le tapis. Donc, je voulais savoir pour toi si le fait d'être basé maintenant depuis de nombreuses années à Lyon, si ça a eu un impact, un effet sur ce que tu fais ou pas du tout ? Musicalement, pour le fond, absolument pas. Et pour ce qui concerne, on va dire, la logistique, ou non plus. C'est-à-dire que les concerts les plus confidentiels que j'ai pu donner, je les ai donnés à Lyon. Si on fait abstraction du concert avec Madame Patate au Ninkasi en 2007, pour le reste, j'ai dû jouer deux ou trois fois à Grand Guignol, deux fois au Craspec, une ou deux fois ou trois fois chez Ground Zero. Mais donc là, on est vraiment sur des tout petits formats de salles et d'auditoires. C'est assez curieux quand on revient d'ailleurs et qu'on a joué sur des scènes, on va dire, moyennes, devant quand même beaucoup de monde avec des moyens techniques conséquents. Mais voilà, je ne suis pas non plus un grand fan des grandes scènes, ni de la pyrotechnie, mais c'est bon, voilà, c'est parfois rigolo d'avoir une logistique de qualité à son service. Maintenant, donc voilà, pour la musique, en résumé, non, rien, si ce n'est effectivement quelques rencontres de personnes qui se sont faites parce que nous étions sur un même territoire. En revanche, j'y pensais en écoutant ta question, en revanche, pour ce qui concerne l'écriture, oui, alors là, bien sûr, parce que j'intègre dans ce que j'écris, même si ce n'est pas flagrant, j'intègre mon quotidien, c'est-à-dire les rencontres de personnes, notamment dans le cadre de mon emploi d'aide-soignant à domicile, spécialisé théoriquement dans la prise en charge des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Mais ne cherchez pas l'histoire croustillante ou d'indiscrétion, tout ça est modifié, transcendé et mouliné. C'est pas délibéré d'ailleurs, c'est simplement ma façon de penser. Voilà, ma vie familiale et quotidienne est également traitée de la même manière dans ces textes-là. Des bribes, des éclats, des choses tordues, non reconnaissables, parce que éminemment subjectives. Et puis, il y a aussi effectivement la ville, les rues, les maisons, les montées d'escalier, les appartements, à la fois dans les textes, mais aussi dans les nombreuses photos que je prends et que je publiais jusqu'à peu dans un Tumblr, lequel, pour une raison que j'ignore, un jour a disparu. Et je me suis dit que j'avais bien fait de faire des sauvegardes des photos. Des photos proches de l'abstraction, des objets, des murs, des pigeons morts, des poubelles. Voilà, on retrouve ces photos donc dans les sauvegardes que j'avais faites sur archive.org. Bon, ça présente un intérêt anecdotique, mais en tout cas, on en trouve certaines sur toute la partie visuelle d'un disque sorti récemment, Ostinati 2, qui présente de la musique répétitive mais irrégulière et jouée avec des instruments modiques, le tout accompagné par la batterie de Monsieur Tagubu. Et j'en profite pour lui tirer un grand coup de chapeau, parce que ajouter de la batterie a posteriori sur des morceaux dont le rythme n'est pas régulier, eh bien, bravo. Ceci étant, j'aime bien cette ville, et je pense que je vais y rester encore assez longtemps. J'aime bien cette ville par sa dimension, ni trop grand, ni trop petit. J'aime bien cette ville par son emplacement dans la France, ni trop haut, ni trop bas, ni trop à l'est, ni trop à l'ouest. Et puis, j'avoue avoir le privilège d'habiter dans un quartier plutôt confortable, la Croix-Rousse, donc une colline qui domine la ville et dont on dit souvent qu'il s'agit d'une espèce de village dans la ville. Et force est de constater que oui, c'est vrai, la vie à la Croix-Rousse, en tout cas pour l'instant, est quelque chose de tout à fait confortable. Je vis ici, je travaille ici, je parle de mon travail d'aide-soignant dans le quartier. Je rencontre tous les jours des gens que je connais. Juste en face de chez moi, il y a un magasin de musique. Donc tout ça est assez, on va dire, cohérent. Tu fais partie de ceux qui utilisent le plus, parmi les gens que je connaisse, les réseaux sociaux. Tu as toujours eu un rapport assez précoce avec l'informatique, même à l'époque où très peu de gens l'utilisaient. Donc je voulais savoir si pour toi ça représentait quelque chose d'important, de complètement accessoire, d'utile ou pas. Bref, quel est ton sentiment par rapport à ça, à la fois l'avènement des micro-ordinateurs, d'Internet et des réseaux sociaux pour finir? Les ordinateurs, relativement tôt, je parle de l'implantation de l'informatique domestique, relativement tôt, j'ai eu la chance, la possibilité d'être confronté à cet outil-là, puisque la structure où je travaillais à l'époque, je travaillais dans un service de reprographie dans une association, avait décidé de s'informatiser. J'avoue avoir été très réticent, je ne voyais pas l'intérêt de la chose, mais bon, c'était les choix de la direction. Donc l'informatique a été mise en place à grand coût et à grande souffrance, je dirais, pour une partie du personnel qui était essentiellement constitué de secrétaires vieillissantes qui avaient du mal à se mettre dans le bain de l'informatique qui modifiait quand même fortement les habitudes de travail. Donc pour le secrétariat, pour la comptabilité, tout ce qui était gestion de données, etc. Donc moi réticent, mais bon, j'y mets le nez quand même. Donc nous passons du montage papier, des maquettes, des publications à la PAO. Et là, j'avoue avoir été séduit. Je ne sais pas exactement par quoi, pas par la PAO en tout cas, mais donc j'ai très vite fait l'acquisition d'un ordinateur. C'était, je crois, un 286, et à l'époque, on devait avoir un disque dur de 40 mégas, et c'était déjà pas mal. Rapidement plongé dans la partie programmation. Je trouvais ça très amusant. Et comme j'avais à la fois envie de programmer et que j'étais également très, très concerné par l'écriture à cette époque-là, peut-être plus que par la musique, aujourd'hui c'est l'inverse, j'ai commencé à travailler sur la programmation de ce que j'appelais des machines à texte, c'est-à-dire des machines destinées à produire du texte de façon aléatoire, mais recevable, mais crédible, autant dans les questions de lexique, de syntaxe, de structure, mais aussi de cohérence globale de signification. Je ne sais plus comment je suis tombé sur les quelques revues qui se penchaient sur le sujet à cette époque-là. Je me souviens que l'une d'entre elles s'appelait « À lire » et j'ai publié des programmes sur ces revues qui, à l'époque, étaient, si mes souvenirs sont bons, sur des supports disquettes. Pour la petite histoire, comme par le plus grand des hasards, j'étais dans un créneau relativement étroit. Il est régulièrement fait référence à ses travaux dans les ouvrages universitaires qui traitent de la question aujourd'hui, alors que ces programmes aujourd'hui ils ne peuvent plus fonctionner car les machines, le système d'exploitation n'est pas le même et la vitesse d'horloge est infiniment trop rapide. Mais voilà, je retrouve régulièrement mon nom cité dans des travaux universitaires. J'avais d'ailleurs été invité à participer à un colloque à Cerisy cette année, au mois de juin, où je ne me suis pas rendu dès lors que j'ai compris la complexité, la lourdeur, l'inertie de l'organisation universitaire. « Ensuite, je suis devenu responsable informatique dans la structure. Comme je disais, ça modifie beaucoup les rapports. Et l'organigramme a changé. Et donc, de petit gars qui s'occupait de la photocopieuse, petit à petit, presque naturellement, je suis devenu responsable des bases de données et responsable informatique dans la structure. J'étais abonné à 5-6 revues. Et très vite, ça m'a, comme on dit, saoulé de percevoir que l'évolution était permanente, que les logiciels étaient à renouveler régulièrement, que les machines étaient à renouveler régulièrement, et que ça demandait donc une attention, un investissement en temps et intellectuel qui, à mon sens, n'en valait pas la peine. On ne faisait pas forcément mieux, mais inévitablement, il fallait être au goût du jour et être compatible, etc. Donc j'ai assez vite lâché l'affaire et je me suis, entre guillemets, rabattu sur un usage ordinaire et domestique de l'informatique. What we did. Concernant Internet, effectivement, j'étais aussi dans les... Bon, pas forcément un précurseur, mais j'ai eu la DSL dans la fin des années 90. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est un souvenir très net, c'était un échange de mails avec un label italien pour la publication d'une cassette. Et là, je me suis rendu compte que, entre guillemets, l'affaire était conclue en moins d'une demi-journée, alors qu'auparavant, par échange de courrier, il fallait des mois, parfois, pour se mettre d'accord sur un projet, reformuler, parce qu'on s'écrivait en anglais et que, du coup, on n'était pas tout à fait certain de bien se comprendre, que, reformulant, on n'avait plus sous les yeux la lettre qu'on avait envoyée auparavant, parce que, la plupart du temps, on n'en gardait pas de copie. La communication était lente, elle était laborieuse, fastidieuse, voire même pouvait s'effilocher et disparaître sans qu'on sache bien pourquoi. Et là, en quelques heures, l'affaire était entendue. Ça m'a vraiment énormément plu parce que j'aime aller vite. Enfin, les réseaux sociaux, je n'en suis pas grand fan. Je ne suis pas très enthousiaste à ce propos, même si leur usage m'a permis et me permettra sans doute encore des belles rencontres et des belles découvertes, mais au prix d'un temps excessif et d'un bruit de fond qui est quand même assez stérile, inutile, fatigant et parfois ridicule. Sur Facebook, je suis à la limite des 5000... amis, entre guillemets, avec un peu de va-et-vient, puisque quand j'observe, dans la mesure où je dis oui à tout, il m'arrive de me rendre compte que j'ai dit oui à des gros blaireaux. Et donc, dans ce cas-là, je les enlève. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi ces personnes ont souhaité être, entre guillemets, mes amis. Bref, ceci étant, on repère assez vite quelques individus avec lesquels on est réellement en accointance. Donc, il y a des liens qui peuvent se tisser et des projets se mettre en place parce que finalement, c'est ça qui m'intéresse, c'est faire des trucs. L'autre dimension, c'est la reprise de contact avec des gens, que ce soit dans la dimension littéraire, graphique ou musicale avec qui on avait été en lien à une époque et puis on a cessé de s'écrire pour une raison ou pour une autre, on a déménagé, on a désinvesti. Et puis là, on peut reprendre contact et renouer de manière légère sans que ce soit compliqué. Et puis surtout, c'est pas forcément lié aux réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont quand même un gros vecteur pour cette chose-là. C'est la découverte de nouveautés qui n'en sont pas toujours d'ailleurs, mais c'est les découvertes musicales. Actuellement, je dirais que passant quelques heures par jour quand même sur Internet et notamment Facebook, un peu Twitter et un peu Tumblr aussi, mais surtout Facebook, aujourd'hui c'est là que ça se passe entre guillemets, à tel point que les jeunes gens n'envoient plus un email, ça commence à faire un peu vieux, donc on reçoit en fait un message dans le chat Facebook. Les quelques heures que je passe par jour sur ces réseaux sont aussi quasiment chaque jour, et ça c'est fantastique, des découvertes musicales, graphiques, voire littéraires. C'est surtout la dimension musicale qui prime, peut-être parce que les liens que j'ai avec les personnes sont principalement basés sur cette dimension-là. Mais en tout cas, je dirais presque pas un jour sans une découverte, c'est formidable. Autre point, la possibilité d'être en relation avec des personnes qui auparavant auraient pu sembler totalement inaccessibles, de par leur notoriété par exemple. Il m'est donc arrivé de discuter avec... Stevie Ledge, Tim Blake, deux autres musiciens de gong, on notera mes obsessions, mais pas seulement. D'avoir eu des échanges avec Bernard Sagner, qui, du reste, participera à l'album qui est en train de se préparer avec Sacha, musicienne donc très inspirée. Et donc il y aura du Bernard Sagner, il y aura du Dave Willet de Hamster Théâtre, il y aura pas mal de choses là-dedans. Ama Kazinoka aussi, et Madame Patate bien sûr. Toutes ces rencontres, ces choses où on se dit finalement « Ah ben pourquoi pas ?» Auparavant, vous vous heurtiez à des tas de petits murs qui étaient à qui on écrit. On n'avait pas l'adresse personnelle de la personne, donc on écrivait au label ou au producteur ou à l'éditeur. Les courriers n'aboutissaient pas toujours, et la personne concernée ne répondait pas toujours. Aujourd'hui, on est dans un univers de totale visibilité. Vous posez un message à quelqu'un, il vous répond, ça peut être public, cet échange-là. Ça peut être aussi privé, bien sûr, mais du coup, ça change tout et il y a la dimension instantanée. Et donc, je vraiment souvenir d'avoir eu des échanges avec des personnes avec lesquelles je n'aurais jamais imaginé pouvoir communiquer parce que leur notoriété est très importante et que j'imagine que leur temps est très occupé. Et malgré tout, ils consacrent du temps aux réseaux sociaux et ça permet à certains moments d'avoir une rencontre, un échange, voire plus si affinité. Honnêtement, je trouve ça formidable, mais très très consommateur de temps et d'énergie. Je pense qu'il faut une discipline que je n'ai pas encore, qui empêche, qui évite de s'éparpiller et d'aller dans des directions qui sont totalement inutiles, qui sont totalement stériles, que ce que je qualifiais tout à l'heure de bruit de fond. Ceinturon, il est droit dans ses bottes. Et pour finir en beauté cette interview, j'aimerais bien que tu puisses nous parler de tes projets actuels et futurs, tout en rappelant à nos amis auditeurs comment faire au mieux pour t'écouter, quels sont les bons endroits, les bons sites, ainsi de suite. Alors oui, merci Fred. Alors comme d'habitude, des projets, j'en ai beaucoup en cours et ma mémoire ne va pas forcément être tout à fait au rendez-vous. Déjà, je commence à reconstruire un répertoire pour le live. Je vais tenter de jouer seul, pas forcément tout le temps, pas systématiquement. L'objectif n'est pas de jouer seul, l'objectif c'est d'être capable de jouer seul lorsque cela s'avère nécessaire. Une série de morceaux assez abstraits en cours, pour lesquels je n'ai pas encore de titre global, qui met un morceau assez désincarné avec un mélange de bruit, de piano très très minimal, de voix à peine audible. Je sollicite pour jouer avec moi sur ce projet Laurent Pernis, mais je ne sais pas encore quel est son point de vue, est-ce qu'il va donner suite ou pas. Un disque qui approche de son terme avec Sacha Svernon, je suis sûr que j'ai scanné son nom. Disque qui sonne très Klimperei classique, il se trouve que Sacha est tout à fait dans ce mood. Et que du coup, je me suis laissé entraîner. Ceci étant, il devrait y avoir Madame Patate, Dave Willet de Hamster Théâtre, Bernard Sagener, des morceaux avec Amakasi Noka. Devant moi, j'ai une lecture à Lyon de textes d'ici un mois sur un projet de livre d'artiste auquel j'ai participé avec un petit texte. Ensuite, il y a l'année prochaine un petit passage à Radio France pour enregistrer. Participation à un festival de musique expérimentale et poésie en Bretagne. Je crois que c'est tout. Et à l'automne, a priori, nous repartons avec Madame Patate au Japon pour une petite tournée. Quand mon set live solo sera... bien stabilisé, je vais commencer à chercher des lieux pour jouer. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel au peuple, donc sachant que de préférence des lieux plutôt petits, plutôt de plein pied avec les auditeurs. Voilà, soit une petite salle des petites salles consacrées à la musique expérimentale ou des galeries d'art, des lieux comme ça propices à l'écoute d'une musique qui ne joue pas forcément très fort, qui demande un peu d'attention aussi de la part des auditeurs, sachant que je vais tâcher d'intégrer des passages textuels dans l'ensemble. Toujours le travail avec les Anouki, donc a priori à Rennes entre Noël et le Nouvel An, une projection des petits personnages zanoukiens accompagnés de Klimperei sera diffusée sur la mairie de Rennes, donc entre Noël et Nouvel An. Voilà, j'ai d'autres travaux en cours, notamment l'écriture d'un énorme pavé qui s'appelle Le Héron et qui devrait être mon dernier opus, puisque l'idée c'est de ne pas lâcher ce texte tant que je suis vivant. J'en suis à peu près à 700 pages. Pour écouter, le plus simple, c'est sur Bandcamp de chercher Klimperei. Il y a des dizaines d'albums, il y a des centaines de morceaux. Ça va du Klimperei classique à l'expérimental le plus extrême, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc si c'est du bruit, c'est du bruit doux ou gentil. Pour les textes, c'est sur Tumblr et sur Tumblr, il suffit de chercher Pechenats pour tomber sur des extraits du Héron. Voilà, en gros. Ensuite, il y a un Facebook, un Twitter, Et un Tumblr, Klimperheim, mais c'est assez anecdotique en fait. Il y a aussi un site de base sur lequel on trouve toutes les informations, qui est donc klimperheim.free.fr. Et puis sur Discogs, on trouve pas mal de choses aussi. Et puis ne pas hésiter à me faire un petit mail au besoin pour des informations spécifiques. J'ai bien conscience que mon activité est assez envahissante, enfin, est assez tentaculaire et que c'est parfois difficile de s'y retrouver. Donc, ne pas hésiter à me solliciter. J'ai aussi en cours une série d'interviews d'artistes divers, graphistes, musiciens, écrivains, francophones, qui sont des personnes que je connais. Et je tâche de rassembler une série d'interviews avec la même trame de départ. C'est un peu faire une photographie, un instantané d'un moment, d'une parcelle, d'un tout petit bout de ce qu'on pourrait appeler l'underground français ou francophone, puisqu'il n'y aura pas que des Français, dans le but de proposer ça à un éditeur pour un bouquin un jour, ou faute de mieux, le publier au format numérique. Et puis, la compilation Amondul 2, donc Amondul 2, groupe allemand de krautrock canonique aussi, qui m'a beaucoup touché, peut-être pas influencé, mais m'a beaucoup touché jadis, que j'écoute encore maintenant, que je trouve très, très kitsch, très baroque. Et donc j'ai lancé une compilation il y a quelques mois et les morceaux continuent d'arriver. On trouve ça sur Bandcamp, sur le Bandcamp de Klimperheim. Bien sûr, ça ne présente d'intérêt que si l'on connaît les morceaux originels. Mais voilà, pour ceux qui s'intéressent à la chose, c'est assez particulier dans la mesure où finalement c'est ce groupe-là et d'autres qui ont eu une importance et une influence majeure à une époque et qui aujourd'hui sont un peu dans l'oubli, mais méritent d'être redécouverts. Donc, amateurs de musique étrange, n'hésitez pas, plongez-vous dans le krautrock notamment. Il n'y a pas que ça, mais c'est une région qui me tient à cœur. Et vous devriez trouver des petits bijoux. Je crois que j'ai fait le tour. Il y a quelques albums en gestation, notamment le troisième album avec Frank Pahl, qui devrait sortir au Japon, sans doute de manière concomitante avec la tournée qui est prévue, laquelle devrait d'ailleurs voir Frank Pahl se joindre à nous pour jouer ensemble ou en parallèle. Un album enregistré depuis déjà quelques années avec David Fenech et qui est un peu resté dans les tiroirs, je le déplore. Voilà en gros pour les choses en cours. Et puis en termes de projet, bah effectivement, j'ai malgré tout, après un moment d'abattement un peu vis-à-vis des concerts, j'ai un rapport assez ambivalent avec cette forme-là. Mais je pense que c'est difficile de l'éviter aujourd'hui, de la contourner, parce que l'industrie musicale se porte quand même assez mal et que autant il était aisé, en tout cas pour moi à une époque, de sortir des disques et de travailler sur des projets de studio. Aujourd'hui, c'est visiblement beaucoup plus délicat. Les labels ont du mal à vivre, à fonctionner, même s'il en existe encore, et c'est tant mieux. Mais malgré tout, le monde a changé. Donc, entre des travaux alimentaires, mais que j'aime bien, des albums de loin en loin ou des publications numériques sur Internet, et puis les concerts, j'ai vraiment la sensation d'être encore en gestation, en débutant sur cette forme-là qui, pour moi, est radicalement à l'opposé du travail de studio. Mais j'y travaille, j'ai très envie de trouver quelque chose, de trouver une forme, une solution qui permette d'être sur une forme légère, simple, ne pas trimballer des kilos d'instruments et arriver à proposer une musique aussi qui soit quand même intéressante et particulière, personnelle. Il y a beaucoup de reprises dans mon répertoire pour l'instant. C'est un choix assumé. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est très intelligent dans la mesure où la plupart du temps, les versions sont assez difficiles à reconnaître ou bien simplement c'est des morceaux qui sont assez peu connus. Mais ceci étant, il y a un Smell Like Teen Spirits qui devrait être un petit peu reconnaissable, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Fred. Pour moi, c'est tout ce... Tout ce travail, tout ce parcours doit, je le redis, énormément à un certain Éric Chabert. Donc encore une fois, merci, hommage, respect à la mémoire d'Éric Chabert qui fut un sacré, je dirais pas dénicheur de talent parce que ce serait vaniteux de ma part, mais en tout cas sacrément stimulant, critique, soutenant, qui m'a fait découvrir énormément de choses, qui a toujours eu un rapport critique constructif avec ce que je fais. Voilà, encore une fois, merci à lui. Au revoir, merci et à bientôt peut-être. Castle, treasures again. I'm 69. Army nights, what's the matter with that? I'll do what I like, getting squeezed in the caravan. Army nights, we get it fixed on the day. We do what we like, we have a laugh on the holiday. Army nights. I lift weights, make people puke on. Texting me, I feel awful, you're ruining me. That's why you're paying me. Don't mess about, I burn it off. Pay the gym a bit of rent, then turn off. Running ragged, 65 kilos I did. Serve the court, sculpture and car talk. Law. Army nights, army nights, army nights, what's the matter with that? I'll do what I like, getting squeezed in the caravan. Army nights, we get it fixed on the day. We do what we like, we have a laugh on the holiday. Army nights. They call me Dice and I'm fucking clean off. War paint on, I got my bits out. Music shit, but the cue for my Mr. Loverman is getting big. Married, single, it don't matter here. Lobbing down the vodka cause it's calorie free. Here, seagulls squawk on the beach. I batter runners all, kick the back door in quick fire. Army nights in war paint, I ain't a liar. Them days were the best, burning rubber, big lorry tyre. Army nights, army nights, army nights, what's the matter with that? Do what I like, getting squeezed in the caravan. Army nights, we get it fixed on the day. We do what we like, we have a laugh on the holiday. Army nights. Six in, done by two, I get home, eat bit of a snooze. Lanes crash as I navigate the bars and waves, dead lift that. Cold's hurt me, I take it slow. I'm out the ass far too much, you know. Idealistic, this is the man, a frame that looks like it's a